les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingré, qui vous livre ses bons plans vosgiens. Ça vous dira aussi à vous, auditeurs des Vosges, samedi, le samedi sur Radio Caraïbe Nancy, 90.7 FM, sur les Grands Nancy, et de 13h à 13h30, et lors de la rediffusion, le dimanche à 6h. Et sur Radio Gemozo, le samedi à 8h30, au 107 FM sur les Grands Remiremont. Bonjour auditrices et auditeurs des Vosges samedi. Eh bien voilà, et Chaos Tribot, un groupe du secteur de Gérardmer, ben la fête des jonquilles est terminée, mais les jonquilles sont toujours là. Alors on les cueille plutôt quand on est en altitude, plutôt quand on est à l'envers qu'à l'endroit, c'est-à-dire plutôt à l'ombre que plein sud. Et puis on peut en trouver encore pendant un certain nombre de semaines, au moment où vous écoutez C'est Vosges samedi, première diffusion le 13 avril et rediffusion le 20 avril. Donc voilà, des bons plans. Et notre coup de cœur et notre grand bon plan, c'est le 20 et 21 avril 2019 à Relange. Nous aurons un cofondateur de cette grande rencontre annuelle à Relange consacrée au bio, et il nous donnera justement les grandes lignes et ses grands, disons, l'intérêt, pour une raison ou une autre, de se déplacer à Relange, d'autant plus que c'est gratuit. Et puis, il se trouve qu'effectivement, le groupe musical, un des groupes qui irradiera, c'est le cas de le dire, mais pas d'une façon radioactive, eh bien, qui irradiera ce Relange Bio, c'est donc les Buraleurs. Eh bien, justement, ils seront d'autant plus contents que nous avons appris le fin mars, donc, que les deux Christians qui avaient été mis en examen pour une dégradation, soi-disant, d'un mur qui n'aurait jamais d'ailleurs dû être construit par l'Andra, dans ce bois qu'ils avaient annexé à côté donc de Bure, le bois de Jus, eh bien, ils ont été relaxés définitivement puisque le parquet n'a pas fait appel. En revanche, ce brave parquet qui est le bras judiciaire de nos gouvernements, eh bien, lui avait fait appel de la décision de concernant les faucheurs de vignes OGM en Alsace. Ils avaient été relaxés à la cour d'appel d'Alsace, après avoir été condamnés en Alsace en première instance. Le parquet a fait appel, c'est allé donc en cassation, qui a trouvé certainement une virgule mal placée, qui a cassé donc le jugement de l'appel, qui le relaxait, et si bien que c'est revenu à une autre cour d'appel, à savoir celle de Nancy, donc le 27 mars. Il y avait beaucoup de monde, c'était très animé, parce que justement, il y avait entre autres une soixantaine de prévenus, puisque c'était des faucheurs de l'ensemble de la France qui étaient venus, plus tous ceux qui venaient les soutenir, parce que c'est sûr que c'est quand même sur leur tête que ça tombe s'il y a des condamnations, alors qu'ils se mettent en péril et en avant pour notre bénéfice à tous ultérieur et déjà présent aussi pour certaines causes déjà de produits OGM qui qui ne disent pas leur nom, mais qui sont présents dans ce qu'on mange, etc. Donc, il y a aussi des actions, d'étiquetage, etc., etc. Voilà, donc, c'était le 27 mars, ce procès. Le délibéré aura lieu le 6 juin. Donc, effectivement, le 6 juin, si vous êtes dans votre véhicule spatial, eh bien, vous saurez que c'est le moment du débarquement. Et nous, on espère que ce sera le débarquement de bonnes nouvelles, à savoir une relaxe intégrale, avec un parquet qui ne poursuivra pas ensuite. Ah oui, oui, ben oui, tous ces braves gens, eh bien, plus tard, on leur fera des monuments, on leur filera des médailles, eh oui. Pour l'instant, c'est tout juste s'ils ne sont pas qualifiés de terroristes, comme justement les combattants, les maquisards dans les années 40, eh ben, étaient qualifiés de terroristes. Hein. Eh bien, voilà, c'est une nouvelle appellation peut-être. Hein. Terroriste écologique, Jacques Simard. Dans un monde où l'avoir a pris l'assaut de l'être, où le blanc devient noir, je veux que tout s'arrête. Je rêve de planter avec qui voudra m'aider un joli drapeau vert sur le toit de la terre. Je m'allongerai devant cette machine infernale pour prendre son volant et partir en cavale. J'écraserai toutes mes forces sur la pédale de frein pour éviter l'atroce, éloigner le ravin. Je volerai au travers des ignobles barrières, arracherai en passant la cervelle des tout-puissants, et je ferai crisser mon bolide et les dents de ceux qui me verraient leur rentrer dedans. Je défoncerai l'entrée de tous les ministères pour aller y cracher mes mots révolutionnaires. J'éventrerai les murs des centrales nucléaires pour rendre enfin plus pure la nature et puis l'air. Je serai le chauffard de la consommation de masse. Je brûlerai vos radars et vos grandes surfaces terroristes écologiques du système économique. Les progrès technologiques sont recul de l'éthique. Je pirerai au gaspillage pour donner aux besoins. Je crèverai les nuages, balayerai les ravins. J'arracherai les ailes de tous les avions qui font de notre ciel une intoxication. Je boucherai les trous des puits de pétrole. J'arracherai les roues des camions, des bagnoles. Peu importe les flashs et vos morales bidons, je paierai car cache le fruit mes infractions. Quand j'aurai fait monter les décideurs du monde dans mon engin piégé de la pire des bombes, je serai le kamikaze qui visera le mur en portant tous ces nazes abominables crevures. J'accompagnerai en enfer, si celui-ci existe, ces mille entrepreneurs aveugles égoïstes, ces gens matérialistes gavés de bénéfices qui disaient fièrement on sera moralement, et je ferai pas de bambin. Je laisserai pas d'orphelin d'une génération qui a vécu sans raison. Si le futur existe, les peuplés d'enfants tristes qui en veulent à jamais à ceux qui les ont faits. Et je ferai pas de bambin. Et je ferai pas de bambin, je laisserai pas l'orphelin d'une génération qui a vécu sans raison. Si le futur existe, les peuplés d'enfants tristes qui en veulent à jamais à ceux qui les ont faits. Dans ce monde où l'avoir a pris l'assaut de l'être, où le blanc devient noir, je veux que tout s'arrête. Je rêve de planter avec qui voudra m'aider un joli drapeau vert sur le toit de la terre. Bonjour Monsieur Thierry, Monsieur François Thierry, bonjour. Oui, bonjour. Alors, voilà, en quelques minutes, je sais qu'il est difficile de résumer deux jours avec tout ce programme, mais je leur détaillerai davantage en cours d'émission. Il est difficile de résumer en quelques minutes ces grandes lignes de ce rendez-vous à Relanche qui a lieu maintenant depuis un certain nombre d'années, hein, je crois. 14e édition, oui. 14e édition. Alors, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le rendez-vous à Relanche, alors je ne sais pas comment vous l'appelez, foire bio, comment non, vous dites ? Relanche bio, c'est une manifestation qui tient à mêler la solidarité, l'environnement, l'économie. Enfin, voilà, c'est pas un marché bio, c'est pas uniquement des associations militantes. Voilà, c'est un ensemble de choses. On essaie de mêler l'ensemble des publics et pour intéresser tout à chacun sur chacun pouvant apporter à venir avec son niveau de connaissance, mais pour justement voir comment on peut construire une société qui soit plus en phase avec avec ce qui nous attend, donc une nécessité écologique, on va dire, de limitation de la ressource, de la pollution, et voilà. Donc c'est un peu tout ça. Donc il y a beaucoup de conférences, de tables rondes, d'expositions, enfin beaucoup réparties sur les deux jours. On essaie surtout d'être assez large dans l'approche, c'est-à-dire qu'on peut faire des visites en ce qu'on appelle des tractomobiles, c'est une remorque à clé derrière un tracteur équipée spécialement. Et cette année, on va aller visiter des champs où on a replanté des haies, où des paysans ont replanté des haies, et avoir des discussions sur l'intérêt de l'arbre dans l'agriculture, dans le paysage, dans la biodiversité, voilà. Alors, une conférence avec François Veillerette sur l'arrêt des... un des promoteurs du mouvement des coquelicots. Voilà. Bon, aujourd'hui, il faut qu'on sache arrêter l'utilisation des pesticides, et lui saura nous expliquer quels en sont les dangers et quels en sont les moyens pour en sortir. Voilà. Et après, il y a un ensemble de manifestations. On a également une exposition qui est plus sur le côté un peu plus sociétal, autour de la Déclaration des droits de l'homme, donc une exposition qui, au travers d'articles de presse notamment, et de dessins, expose la Déclaration des droits de l'homme, avec dans un endroit dédié où il pourrait y avoir des discussions autour de cette question. Alors justement, je reviens sur la proposition de faire tractomobile. C'est au lieu, c'est donc parce que c'est vraiment, ça doit être original. Donc en fait, c'est tout au lieu tout, pendant toute la période des deux jours, ou c'est à un moment particulier que vous proposez ces sorties? Oui, c'est pendant les deux jours, toutes les heures. Il y a un circuit qui se met en place. On fait ça depuis le début. On a voulu garder le côté agricole aussi de notre manifestation, donc on fait pas dans le rappel historique, et voilà, donc c'est pas avec des chevaux, avec une calèche, non, c'est un tracteur agricole normal avec une remorque aménagée spécialement, et ça nous permet d'aller mais sur le terrain. L'année passée, on a visité la troisième ferme du village qui passe en bio, donc pour aller voir les réalités de la chose, les pieds dans la ferme, voilà. L'année 6, c'est donc autour de la question de l'arbre dans les systèmes agricoles, ce qu'on appelle aussi agroforesterie, et pouvoir dire, mais de façon très pratique et posée, quels sont les intérêts de l'arbre et pourquoi on replante des haies, voilà. Alors, d'une façon très pratique, Relange Bio commence donc le samedi à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure? Oui, 14h l'après-midi. Ça se poursuit jusque dans la soirée. En soirée, on a le soir à 21h, on a un spectacle, un théâtre, un spectacle de théâtre. On l'avait déjà fait il y a 3-4 ans, et c'est avec le Théâtre des Aperçus. C'est l'inauguration ou insécurité. Donc c'est un groupe de théâtre semi-professionnel. Voilà, mais avant, il y a un repas, il y a des animations musicales, une scène ouverte. Et d'autres conférences, la liste. Je la donnerai après notre interview, parce que vraiment c'est très dense ce programme, et ça permet d'attirer différents types de publics, hein, des personnes qui voudraient juste faire du troc de semences, et bien voilà, ils peuvent venir uniquement pour cet aspect-là, si c'est ça qui l'intéresse, d'autres pour d'autres aspects, comme vous en avez déjà. Simplement visiter les producteurs qui exposent, ou beaucoup d'associations, puisqu'on donne... on laisse place libre à toute association à caractère environnemental ou social pour venir exposer, expliquer son action. Et donc, on essaie vraiment de mélanger et les publics et les intérêts, quoi. Voilà, c'est l'intérêt. C'est le cœur de notre façon de faire, quoi. Et puis surtout dans la bonne humeur, parce qu'il y a vraiment des animations, y compris des animations musicales, etc. C'est très décontracté, en fait, Relange Bio. Cette année, on a les Bures à l'heure, un groupe qui s'est constitué autour la question de l'enfouissement des déchets autour de Bure, et eux, ça va amener de l'animation, ça c'est clair, tout en ayant des textes avec une vraie revendication, voilà. Donc, c'est vraiment un ensemble. Et la restauration, elle est assurée par les producteurs, qui sont organisés, une organisation qui s'appelle Repas Bio 88, mais voilà, et toute l'alimentation, qui peut être d'ailleurs végétarienne, et qui essaie aussi d'être très abordable en termes de prix, et tout ça est très sympathique, de pouvoir venir manger une soupe d'ortie, ou simplement des frites ou un steak, dans le cadre du village. Alors, la question à 1 euro, tout ça pour combien? Combien ça coûte pour venir à Relanche Bio? Eh bien, ce qu'on demande le plus aux gens, c'est justement leur bonne humeur et leur envie de découvrir des choses. On leur demande rien d'autre financièrement, puisque l'entrée est gratuite. Voilà. On essaie vraiment de faire en sorte que la bio, mais aussi les questions environnementales, sortent d'un côté pessimiste ou réservé à une élite. Voilà. Non. C'est vraiment faire en sorte que ça soit accessible et que chacun puisse prendre sa part. Parce que, y compris dans les conférences, il y a des conférences un peu magistrales, comme avec François Vayrette, qui sait apporter des choses, mais on a aussi des tables rondes autour de la restauration collective, par exemple, autour simplement de la mise en place de photovoltaïque, où les gens viennent et échangent, et comment on fait pour lancer des actions communes. Quoi. Oui. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que Relanche Bio a été à l'origine d'initiatives prises ici ou là, autour des questions environnementales. D'autant plus que c'est toujours lié la théorie à la pratique. J'en veux pour preuve ne serait-ce que l'atelier réparation, par exemple. Oui, on a un repère café, tout à fait. Oui. Entre autres, un programme que je vais redécliner par ailleurs. Alors, merci beaucoup, merci à vous. Alors, qui est un des nombreux, je suppose, volontaires, on va dire bénévoles volontaires. Co-organisateurs. Donc, merci François Thierry. Et puis, bah, justement, bon, bah, on va écouter déjà les buralleurs qui nous interprètent Où est ma place. Et bien, notre place, très ça sera. Ce sera donc à Relanche le 20 et 21 avril. Merci encore à vous. Merci à vous. Qui tire les ficelles de ce monde, wow, wow, wow. Où l'argent a plus de pouvoir que la voix de la raison. Une guerre économique fait rage entre les nations, wow, wow, wow. Regardez à qui profite la mondialisation. Où est ma place dans ce monde? Sûrement pas mal cautionner les mondes. Si je suis sur cette terre, mon existence, je veux en être fier. La vie est née il y a si longtemps qu'on ne peut l'imaginer, wow, wow, wow, wow. Se renouvelant sans cesse depuis des millions d'années. Elle n'a besoin de personne pour se perpétuer, wow, wow, wow, wow. À tous les êtres vivants, elle distribue ses bienfaits. Où est ma place dans ce monde? Sûrement pas à cautionner les mondes. Si je suis sur cette terre, mon existence, je veux en être fier. Thank you. savons manipuler, tourner à notre avantage. Wow, wow, wow. Pour notre bien-être, on met la nature en esclavage. Mais pas plus de bonheur, nous poursuivons un mirage. Wow, wow, wow. Cherchant à fuir ce qu'on appelle la vie de sauvage. C'est qui les sauvages? Où est ma place dans ce monde? Sûrement pas à cautionner les mondes. Si je suis sur cette terre, mon existence, je veux en être fier. Si je suis sur cette terre, mon existence, je veux en être fier. Et voilà, donc, après ben, ces différentes actions, hein, les terroristes écologiques, ben, si vous voulez les soutenir, hein, et bien notamment au niveau ben, de Bure, ben, Bure Stop, vous allez sur Sortir du Nucléaire, hein, vous avez toutes les informations. Et puis, tout à l'heure, je vous parlais des faucheurs volontaires. Et bien, si vous voulez apporter votre soutien, justement, il y a un comité de soutien avec les faucheurs de Colmar. 68 370 277 Schulzbach. Alors, donc Orbe, ben vous savez, Orbe, O-R-B-E-Y, hein, le code postal 68 370 et 277 Schulzbach. Je vous l'appelle S-C-H-O-U-L-T-Z-B-A-C-H, comité de soutien avec les faucheurs de Colmar. Sinon, vous avez également donc un contact pour la Confédération Paysanne, hein, contact confédérationpaysanne.fr et puis un numéro de téléphone 01 43 62 04 04 01 43 62 04 04. Et concernant justement au niveau donc de Bure, eh bien vous avez dans le cadre des cycles de conférences, le chapitre 6 est consacré à sortir du nucléaire en moins de 10 ans, c'est possible et sans CIGEO. Et vous avez donc à Épinal, puisque c'est surtout le Grand Est que ces différentes conférences sont déclinées, à Épinal, il y a donc le mercredi 24 avril à 20h, cette conférence donc pour sortir du nucléaire en moins de 10 ans. Pour en savoir davantage, eh bien deux numéros de téléphone, 06 82 26 06 62, je répète, 06 82 26 06 62, et un autre numéro de téléphone 06 50 69 72 61, 06 50 69 72 61. Et donc sinon, eh bien la possibilité d'aller sur un site Stop CIGEO. Alors CIGEO, c'est CIGEO-bure.eu/cycle-grand-test. Et concernant donc Relange, donc bio, Relange bio, dont l'entrée est libre, eh bien un numéro de téléphone 03 29 09 84 18, 03 29 09 84 18, www.relange, alors Relange est R-E-L-A-N-G-E-S bio, bio, bien sûr, .fr, relange.bio@orange.fr. C'est à 15 minutes, un quart d'heure de Vittel, à 40 minutes d'Épinal, à 1 heure de Nancy. Et c'est donc le 20 et 21 avril 2019. Il y a entre autres une conférence cohabitation loup-élevage avec surtout des solutions, puisque en France, ça pose problème. En Italie et en Allemagne et en Espagne, ils en ont 10 fois plus et ça pose pas problème. Cherchez l'erreur. L'erreur, c'est tout simplement dans les mauvaises solutions officielles qui y sont apportées. Donc, pour en savoir davantage, eh bien, avec aussi, si vous voulez, avec des semences, plein de choses, hein, vraiment un programme très, très, très important et tout ça d'une façon très sympathique en musique avec les Buraleurs aussi. Mais pas que. Allez, on termine cette émission. Sinon, celle-ci ne nous concerne pas. On termine cette émission avec notre générique de fin.